même le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Mais il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah oui. Bienvenue dans la salle 5 et pour cette deuxième séance, je suis avec Victor. Comment tu vas, Victor ? Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour à toi, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège numéro 42 toujours, parce qu'aujourd'hui, on vous parle d'un des films événements du dernier festival de Cannes, Under the Silver Lake. C'est quoi ce bordel ? Qui déménage en plein milieu de la nuit ? Il n'y a rien de bizarre. Elle comptait partir ? En quoi ça vous semble étrange ? J'ai du mal à comprendre pourquoi elle m'en a pas parlé. Peut-être qu'elle a une dent contre vous. Elle doit savoir que vous êtes pauvre et que vous me devez le loyer. J'ai trouvé un genre de code, comme un message secret dans son appartement. Ça veut dire garde le silence. Notre monde regorge de codes, de messages subliminants, de Silver Lake aux collines d'Hollywood. Tout ça peut avoir un lien avec Sarah. Je connais cette fille. Il y a un message dans la musique. Ok. Alors, comme vous avez pu le comprendre par cette bande-annonce très mystérieuse, le film, on va pas y comprendre grand-chose non plus. Il nous a un peu déroutés, tous les deux, à notre manière chacun. Alors, il est sorti il y a 2 semaines chez nous, c'est ça ? Ouais, le 15 août. On est un peu plus dans les temps que l'épisode d'avant où c'était sorti un mois avant notre enregistrement, donc vous noterez. Mais du coup, dis-nous, Victor, c'est quoi Under the Silver Lake ? C'est qui ? C'est fait par qui ? C'est qu'est-ce que c'est ? Alors, Under the Silver Lake, c'est le 3e film de David Robert Mitchell, qui est le réalisateur que vous connaissez peut-être, It Follows. Film génial. Film très grand film d'horreur de ces dernières années, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Qui est Under the Silver Lake, qui est donc son 3e long métrage qu'on attendait au tournant après le succès surprise de ce It Follows. Qui racontait comment une bande d'adolescents voulait échapper au pouvoir des MST fantômes, fantomatiques. Tout ça dans un slasher un peu renouvelé. C'était vachement cool. Et Under the Silver Lake, ça rejoint un peu cette quête, cette peur qu'on a chez... Des MST. Non, pas des MST, non. Mais plutôt cette peur de la solitude et des refuges qu'on a. Pas par avec les gens, mais par la pop culture, en fait. Ouais, mais ça, on y reviendra plus tard. Déjà, on va dire c'est quoi l'histoire. C'est produit par quel studio ? C'est produit par A24, qui est l'un des studios américains les plus prolifiques. En ce moment, oui, et on y reviendra plus tard. Alors, l'histoire de ce film, c'est l'histoire... Est-ce que tu veux résumer ou est-ce que tu veux que je résume ? On va faire au feeling de quoi, parce que c'est très difficile. On va essayer, ouais. On va pas vous spoiler, ce qui va être assez compliqué, parce que c'est un film assez compliqué, mais... Alors du coup, c'est l'histoire de Andrew Garfield, qui s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle. Sam, qui a pas de travail, qui habite à Hollywood. À Los Angeles. Los Angeles, ouais. Qui se fait chier, et qui est obsédé par le cul de sa voisine. Et il se fait tellement chier que quand sa voisine elle disparaît, en fait il va tout faire pour la retrouver, il va chercher des indices partout, il va chercher des signes, il va chercher des trucs, il va découvrir des trucs un peu chelous, et il va un peu, c'est un peu genre une descente aux enfers mais bizarre, c'est un peu une enquête en même temps, des tréfonds d'Hollywood et de tout ce qui se passe derrière l'industrie du divertissement en fait. Ouais, est-ce que ça résume assez bien ? Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Moi, de manière concise, je dirais que ce serait un anti-Ready Player One. Oh, mais putain, ça y est, Non, non, mais, alors non, on va pas se faire... On va éviter de partir dans le Spielberg bashing. Non, mais ouais, ça, en fait, c'est un peu... ça commence un peu comme le même... parcours que le héros de Ready Player One, en fait, où en fait on suit Andrew Garfield, qui est un mec complètement paumé. Oui, aussi il est super antipathique et c'est vraiment un loser, hein, faut le dire, Bon, c'est un loser à l'ère des millennials Ouais. où ou comme le héros dans Ready Player One, c'est un mec qui est obsédé par la pop culture, mais à un point vraiment fétichisant en fait. Pour lui, tout n'est. Il observe le monde et les gens uniquement comme des images, d'où le fait qu'on peut être déconcerté par le fait qu'il soit obsédé par sa voisine qui est vraiment mise en scène. Ouais. Qui est vraiment mise en Comme scène comme une héroïne des films. comme une star de vieux films Ouais, vieux. Marilyn Monroe, bah, Ouais. qui est d'ailleurs, elle est obsédée par la Ouais. figure de Marilyn Et Monroe. comme ça, bon, on va pas tout dire, mais sa mère, au personnage principal, elle est obsédée par Gloria Gaynor, c'est ça? Il me semble que c'est. Ouais. Oui, c'est. En bref, on va pas trop spoiler, mais en gros, t'as raison, il y a plein de références à la pop culture et surtout Au au cinéma. cinéma, enfin Hollywood et au divertissement hollywoodien plus qu'au cinéma en mode 7e art et tout, tu vois. Mais donc, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Sans trop en dire, parce que c'est Ouais, complexe, parce que c'est un film ultra compliqué, ultra la dense. Du coup, c'est complexe de donner un avis sans spoiler. dernière émission, justement, on vous parlait de Southland Tales de Richard Kelly en évoquant ce côté fourre-tout. Mais en fait, Under the Silver Lake, c'est à peu près la même chose. On retrouve vraiment ce geste un peu radical de nous emmener dans une véritable descente aux enfers pour notre personnage principal, où plus on va le suivre dans cette quête qui est de retrouver sa voisine qui a mystérieusement disparu, plus le personnage d'Andrew Garfield va se retrouver confronté à un espèce de complot slash. C'est très. C'est dur, hein, ouais, c'est dur de pas C'est spoiler, hein. une espèce de. Ouais, on va dire un complot, mais pas vraiment, de quête Ouais. vers quelque chose qui n'a vraiment de. Qui perd de son sens au fur et à mesure qu'on avance Ouais. pendant les 2h20 de film. Et c'est très long aussi. C'est Ouais, oui, ça c'est se très trouve. très long. C'est aussi long que Southland Tales, mais ça m'a paru plus long, moi, en tout cas. Bah, je pense que c'est vraiment aussi le but en fait. Moi, le film m'a fait penser à deux films qui, au fil des années, l'un a influencé l'autre, et là maintenant c'est Under the Silver Lake qui est influencé par les autres. On pense un peu au film noir comme Le Grand Sommeil de Howard Hawks, où justement le personnage d'Andrew Garfield se prend comme un détective privé à la Humphrey Bogart qui recherche n'importe quel indice en se faufilant partout et qui avance dans une enquête où vraiment il ne comprend plus rien et le spectateur non plus. Et par le fait qu'on est subjectivement du point de vue du personnage d'Andrew Garfield, même s'il y a un certain recul, le spectateur peut avoir un certain recul pour comprendre que le personnage d'Andrew Garfield devient limite fou, enfin Ouais, devient devient taré, ouais. fou, et ben on trouve ce côté-là un peu bogartien où il va. Où c'est vraiment un film de déambulation constant. En fait, le personnage d'Andrew Garfield ne fait que marcher pendant tout le film. J'avoue, ça prend. Et ça me faisait penser, ça fait ce qui amène du coup cette déambulation dans un contexte qui est dans une époque où on va dire l'ère des millennials, où on voit vraiment où le personnage d'Andrew Garfield déambule dans un Los Angeles où tout n'est basé que sur le monde du spectacle En même temps, c'est Los c'est Angeles, Los on est Angeles, là, c'est mais comme ça, quoi. c'est Los Angeles effectivement, mais où vraiment tout perd de vie en fait. Il n'y a plus d'âme et on voit le personnage d'Andrew Garfield qui navigue entre les tombes de Hitchcock et d'Orson Welles. Et c'est un peu ça, c'est vraiment une atmosphère assez morbide et qu'on retrouve un peu dans le Inherent Vice de Paul Thomas Anderson T'as trop de rêves que j'ai pas vus. où le personnage de Joaquin Phoenix, lui aussi, c'est aussi un détective un peu seul, complètement stoner, pire que Ouais. Andrew Garfield dans le film. Non, Et. Andrew Garfield, il est seul, mais c'est genre, c'est pas malgré lui, parce que c'est vraiment un con, en fait, le personnage, tu vois, c'est pour ça. Et voilà, il y a vraiment ce côté. Il faut vraiment voir Under the Silver Lake comme une bonne réincarnation du film néo-noir, ou du film noir moderne, qui parle de notre rapport à la pop culture et sur comment on peut être obsédé par des images, des dessins, des musiques qui au final n'ont pas de sens, au final, ça n'aboutit à rien. Ouais. Ça fait un peu discours un peu réac, là, dit comme ça, Ouais, c'est ce que je pensais. Surtout quand tu dis l'ère des millennials, alors que on est des Non, mais millennials, nous. totalement, mais c'est ça, mais c'est ça qui, je pense, c'est un film qui est vraiment. Je vais pas dire qu'il sera daté dans 20-30 ans, enfin, dans 20-30 ans, je pense que le film aura quand même une marque, mais c'est un film qui fait du bien dans notre époque de confronter un spectateur qui va. De toute façon, il va se revoir, va se penser, va se reconnaître dans le film. Autant. Ouais, mais en même temps, il est pas si facile d'accès que ça. Du coup, je pense pas que n'importe quel spectateur peut se retrouver dans ce film, même si c'est un millénial, même si il comprend. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, t'as aimé. Ouais, beaucoup. T'as aimé. C'est l'un de mes, vraiment, c'est un de mes temps forts de cet été, voire de l'année. Eh ben, pas moi. Ah. Enfin, c'est plus. Ça sent le clash. Non, non, non, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus en fait. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas accroché. C'est pas le genre de film que j'ai envie de revoir et que j'aime. En fait, objectivement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je le trouve super intéressant. Il y a plusieurs lectures, plusieurs interprétations et tout. Il y a des messages. Bon, il y a des messages que j'ai pas du tout capté parce qu'il y a des trucs, il y a plein de scènes et plein de petits détails que j'ai pas compris et qui je trouve ne servent à rien dans le film, sans Bon, spoiler. ben, je pense que ouais, je vois à peu près les séquences où tu veux en venir, dont une qui est entre guillemets pour le jeu de mots chouette. Ouais, mais celle-là, justement, je les trouve cool, mais ça aurait fait un autre film complètement à part que j'aurais kiffé regarder. Ça fait un peu horreur et tout. Mais je pensais aussi aux pirates Ouais. qui au final j'ai réfléchi après et je me suis dit mais enfin tu l'enlèves c'est pareil. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas de sens et qui m'ont un peu perdu, mais il y a un ou plusieurs messages un peu genre Illuminati, un peu il y a quelque chose derrière l'industrie hollywoodienne, il y a un peu tout est un peu ripoux, tout est un peu je sais pas comment dire Morbide, c'est ça, on peut ouais et dire. puis genre on nous prend aussi enfin genre le Hollywood nous prend pour des cons enfin il y a un message comme ça que j'aime bien enfin je suis un peu d'accord mais je trouve qu'il est fait un peu maladroitement enfin après c'est peut-être moi qui l'ai pas Naïf. ressenti ou compris correctement mais je trouve Naïf. que enfin j'ai pas été complètement convaincue après techniquement il est enfin le film est cool il est super la mise en scène elle est vachement bien on veut enfin même s'il est long, même s'il m'a paru long, comme c'est un peu une enquête, tu as toujours envie de savoir c'est quoi qu'il va découvrir Ouais, ensuite, ça capte même ton si ce qu'il découvre, attention. ça n'a pas de sens, tu as quand même envie de savoir, et tu as quand même envie de savoir où ça va en venir, tout ça. Même si tu risques d'être déçu à la fin, mais il y a un peu une structure, justement, on parlait de pop culture et tout, il y a un peu une structure de jeux vidéo, je trouve, où c'est pas un nouveau niveau à chaque fois, mais un peu les jeux vidéo presque point and click, où tu découvres un nouveau truc à Bah, chaque fois. d'ailleurs, sans. Ouais, encore une fois, c'est encore dur dans. De C'est parler de encore dur. surgrandir, ouais. Mais on va dire qu'une des résolutions du film se joue quand même grâce à Zelda. Faut. Oui, c'est Voilà, vrai. c'est grâce Puis il y a plein de refs aussi aux jeux vidéo, il y à a Mario. Mario, il y a Foison. Mais ouais, du coup, il y a un peu une structure de jeux vidéo, enfin d'enquête. Donc ouais, la mise en scène est cool. En même temps, le réal, enfin, c'est un super bon réal, j'avais adoré It Follows. Mais d'ailleurs, on ressent un peu que c'est le gars qui a fait It Ouais. Follows. Parce qu'il y a deux, trois moments qui font un peu horreur, qui font carrément horreur dedans. Et c'était les moments que j'ai les plus aimés, en fait, parce que j'avais vraiment kiffé It Follows. Bon, regardez It Follows si vous ne l'avez toujours pas vu. La photo, elle est super cool aussi. La musique. Et les acteurs sont vachement bons. Je trouve qu'Andrew Garfield, il joue super bien. Je trouve qu'il joue super bien, en fait, c'est tout. Donc ouais, objectivement, je le trouve vachement bien. Genre techniquement et tout, il est bien mis en scène et tout, mais parce qu'il y a un mais, j'ai pas aimé. Genre moi quand j'aime un film, je dis moi comme si voilà. Mmh. Genre par exemple on comparait à South Land Tales avant, South Land Tales direct, j'ai kiffé, enfin genre j'étais dedans, j'ai vraiment aimé genre de mon cœur, tu vois, enfin genre organiquement j'ai aimé le film. Et c'est pas après j'y ai repensé, je me suis dit ouais, il est intéressant. T'as... Et enfin quand j'aime un film, c'est genre c'est direct, c'est instanté, tu vois, c'est pas j'y réfléchis après et je me dis ah ouais, il est cool, du coup bah j'aime bien. T'as pas eu cette jubilation de voir le film et j'ai pas eu d'émotion. Par exemple, je te l'ai dit juste après parce qu'on s'était vu après. Je t'ai dit que j'ai ressenti aucune émotion en fait. Et enfin, si je ressens pas d'émotion devant un film, même si l'émotion c'est la haine, tu vois, par exemple. Mais enfin, c'est que j'ai pas aimé le film en fait, simplement. Après, je le trouve bien. Je vous le conseille si vous voulez aller le voir, allez le voir parce qu'il est intéressant. Mais moi j'ai pas aimé. Tu soulèves un point intéressant, c'est que le film, ouais, il faut le dire aussi à nos auditeurs, c'est que le. C'est vraiment un film qui met à mal en fait. C'est vraiment ce genre d'expérience de film. Qui peut être. Inherent Vice, c'était la même chose. Il y a des décennies et des décennies de ça, Le Grand Sommeil, c'était pareil. Et je peux évoquer d'autres films comme Le Guéri de Gus Van Sant. Oh, c'est vraiment des films qui sont pas là pour vous conforter en fait. Non, c'est... mais au-delà de ça, enfin moi personnellement, j'ai même pas ressenti genre de la gêne ou du mal-être ou un truc comme ça. Genre j'ai vraiment rien senti. C'est comme si je regardais je sais pas Enquête Exclusive ou un truc à la con. Ça peut te pas. Non mais ça peut pas. Mais pas forcément une question de mal-être quoi. Mais ça peut te paraître long et très long. Alors c'est une et on peut trouver la démarche intéressante. C'est une démarche qui fait qu'on vous invite vraiment à aller voir ce film. Mm-hmm. Mais c'est une démarche qui pourrait vous déplaire aussi. Mais ouais, c'est au moins une expérience que je pense vous ne verrez. Vous ne verrez nulle autre part cette année au cinéma, je pense. Et c'est vraiment une expérience qu'il ne faut pas que vous vous attendiez à kiffer le film. Ça dépend, parce que toi, tu l'as aimé quand même. Oui, mais toi, par exemple... On se met d'accord sur les mêmes points, mais moi, je n'aime pas pour ces raisons-là, et toi, tu l'aimes pour ces raisons-là, tu vois. Donc, c'est vraiment subjectif. Après, c'est le cinéma, c'est un art, du coup, forcément, c'est subjectif. Mais après, moi aussi, je l'ai vu très vite fait, parce que voilà, on va pas trop s'étendre dessus non plus, mais je l'ai vu beaucoup comparé à Mulholland Drive de David Lynch, que j'aime énormément, mais... Enfin, genre, il y a un peu la même... pas structure, mais le même délire de c'est à Los Angeles et c'est un peu genre les paillettes de Hollywood et on va un peu derrière ça, tu vois, on découvre un peu les backstage de Hollywood, de comment ça se passe, les soirées un peu avec plein de producteurs et des gens qui font semblant, tu vois. Mais Mulholland Drive, après c'est Lynch, tu vois, on n'est pas Lynch qui veut. Il y a un petit truc en plus, un petit truc un peu fantastique. Un peu univers parallèle, tout ça, tu vois. Et ouais, envoûtant que j'aime. Alors que là, c'est vraiment... Enfin, tous les trucs, à part les quelques trucs pas expliqués... Mais quelques fulgurances. Ouais, à voir quelques trucs pas expliqués. L'enquête principale, elle est expliquée rationnellement. Et par exemple, j'aurais kiffé que... il y a un genre de twist qui fasse que c'est un peu fantastique, un peu onirique et tout, tu vois. J'aurais plus aimé, mais bon, après, c'est personnel. Donc, du coup, vous l'aurez compris, Victor m'a aimé, moi pas trop, mais on vous conseille quand même d'aller le voir pour toutes les raisons évoquées précédemment. Donc, du coup, comme on a dit précédemment, c'est un film qui a été produit par la société de production A24, une société de production que nous, on aime bien, personnellement, parce qu'ils ont fait beaucoup de films qu'on aime bien. Qui commence à avoir une importance... assez majeur auprès des spectateurs américains. Ouais. Donc du coup, on va vous en parler tout de suite. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Alors, A24, c'est quoi ? Dis-nous, Victor. Alors, A24, donc, c'est ce petit logo que couleur filtre Instagram que vous voyez couleur lunettes 3D que vous voyez souvent au début de plus en plus de films du cinéma américain et que vous aurez vu ou que vous verrez au début d'Under the Silver Lake Et c'est une société donc qui a été fondée par Daniel Katz, David Finkel et John Hodges, si je prononce bien. Elle a été fondée en 2012. Donc c'est très récent. Enfin... Très récent. Leur premier film, c'était Dans la tête de Charlie Swan 3, qui est de Roman Coppola, qui Fils était de? fils. Alors, oui, il me semble que c'est le fils de Francis Ford. Hein, c'est le frère Un de. deuxième, troisième Coppola. C'est le frère de Sofia. Et d'ailleurs, on le ressent totalement. Tu l'as vu le film? Oui, enfin, il était sorti à l'époque dans un de nos petits ciné d'arrêt-essai lillois, Métropole, Majestic. Et Majestic. on voyait que c'est un. On va, on, voilà, quand on va vous parler tout à l'heure du fait que c'est le nouveau cinéma le nouvel Hollywood des millennials. Dans la tête de Charles Swan 3, c'est ça. C'était un Ouais. film. On voit vraiment que Roman Coppola avait travaillé avec Wes Anderson parce qu'on retrouve vraiment ce côté artificiel avec des couleurs Très vraiment très pastel, symétrique, tout pastel. C'est ça. ça. Ok. Ouais. Avec, c'était l'histoire d'un mec joué par Charlie Sheen Oh. qui se demandait pourquoi il avait des problèmes avec les femmes. Ça a l'air Et absolument on retrouve génial. Jason Schwartzman et Bill Murray au casting. C'est une petite fantaisie que je recommande. Une Moi, fantaisie. j'en ai eu un bon souvenir Ouais. quand je l'avais vu en salle. Donc c'était le premier film produit Voilà. par C'est A24. leur tout premier film et depuis, ils ont des succès assez fou ouf. Ouais. Faut quand même dire que c'est eux qui ont eu l'Oscar du meilleur film en 2017 avec Avec Moonlight. Moonlight, très bon pari, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais. c'est depuis ça qu'un peu ils explosent. Ah ouais, totalement. Depuis, ils envahissent les nominations, les festivals. Et ils sont distributeurs aussi. Ils sont aussi distributeurs, Parce donc. qu'ils vont distribuer. Enfin, il y a plein de films que personnellement j'aime beaucoup, qui ont été distribués par eux en Amérique. Et ils vont aussi distribuer prochainement Climax de Gaspar Noé. Ils vont le distribuer en Amérique, je Aux suppose. Et en États-Unis, ouais. Angleterre aussi, non? Non, c'est. Non, A24, c'est que Il aux semblait États-Unis. que c'était Angleterre et États-Unis. Mais je dis des conneries. Je t'aime. Je passe les recherches. Ouais, ils vont distribuer Climax. Et ils ont distribué aussi les films de Yorgos Lanthimos. The Lobster notamment, Et qui est un film génial. The Killing of a Sacred Deer Mise à aussi. mort du cerf sacré, Ouais, c'est plus simple à dire. en titre Mais dans anglais, The The Lobster, il y a Ben Whishaw, donc il est mieux. Ouais. Convaincu. Non, mais les deux sont très Les deux sont bien. très bien, on t'aime, Yorgos. Et donc oui, ils sont aussi distributeurs. Et c'est en fait, je pense que la société 24, ça fait vraiment partie de ce que moi j'appelle, c'est vraiment un terme que j'invente, c'est le nouvel Hollywood en fait. Ouais, comme nous, New York dans Voilà, ouais, un peu comme Futurama. ça où. On retrouve vraiment cette nouvelle génération d'artistes, de cinéastes qui Ouais, c'est ont. vraiment. Je te coupe, je suis désolée. C'est vraiment des auteurs pour le coup. C'est J'ai ça. l'impression qu'ils leur laissent plus de liberté, cette boîte C'est de production. ça. Et c'est des cinéastes qui ont eux-mêmes été influencés par les gens du nouvel Hollywood, qui eux-mêmes, Coppola, Scorsese, Lucas, ont été aussi inspirés par tout ce qui a été fait dans la nouvelle vague, par le néo-réalisme, tout ça. Et les mecs de notre période, c'est ça en fait, la société A24, on pourrait aussi compter la société Annapurna ou Neon, qui ce sont en fait des sociétés qui laissent de plus en plus de place à une certaine créativité, tout en la rendant mainstream en fait. Ils pensent vraiment à faire une communication via les réseaux Ouais, sociaux. c'est ça, c'est un peu un mix entre l'indé et le mainstream. Et c'est ça qui est cool. Parce qu'en même temps, ça crée pas je De perds mes mots. séparation Voilà, entre ça fait les. pas deux gros blocs, tu Ouais. sais, ça mélange un peu et je trouve ça cool. Ouais, enfin, moi je pense par exemple aux frères Safdie qui ont fait Good Time l'an dernier, où là on a vraiment un film qui peut parler à tout le monde en fait. C'est En un plus, film de bois. avec Rob Pattinson, Voilà. qui est quand même un acteur assez connu, Et quoi. Qu'on adore qu'on embrasse beaucoup. au passage. Oui, on lui fait des bisous. Et qu'ils ont aussi produit, ben voilà, ils ont aussi produit le dernier film de Sean Baker, The Florida Project. Ouais. Et mon chouchou de l'année qui est Lady Bird de Greta Gerwig. Mais oui, alors du coup, quels sont tes... Parce qu'ils ont fait beaucoup de films, et moi personnellement, il y a beaucoup de films de A24 qu'ils ont fait que j'aime énormément parce que justement, c'est un peu le... C'est un peu la société de production qui se démarque un peu des gros studios hollywoodiens où vraiment ils laissent une créativité et ils laissent l'auteur, enfin le cinéaste, être vraiment auteur, caméra, stylo, voilà, tout ça. Pour ceux qui ont fait des études de ciné, vous savez. Et du coup, moi, enfin, c'est vraiment le cinéma que j'aime bien, enfin qui me plaît plus, on va dire. C'est vraiment le ciné où tu ressens une intention en fait et tu ressens des trucs devant le film. Et donc du coup, il y a plusieurs films. J'ai eu du mal à choisir des films préférés, mais j'en ai quelques-uns. Mais toi, lesquels? J'ai mal exprimé. Lesquels films A24, produits par Produit. A24, sont tes préférés? Moi, je le parlais tout à l'heure, mais j'aime beaucoup Lady Bird de Sorti cette Greta année? Gerwig, sorti cette année en février. Bon, déjà, parce que je suis un grand fan de Greta Gerwig Je pensais que tu allais dire parce que je suis un grand hipster. et. Ouais, Mais aussi, on pourrait dire aussi. ça pourrait marcher aussi. Mais non, il y a une sensibilité qui me touche beaucoup chez Greta Gerwig, déjà dans son jeu d'actrice, mais aussi surtout dans ce qu'elle écrit et elle réalise. Et une histoire qu'on beaucoup ont jugée comme étant cliché et random, en fait, bah, moi, ça aurait pu être ça, mais il y a vraiment une justesse qu'elle a trouvée chez ses personnages. Pour ceux qui l'ont pas vu, Lady Bird, ça raconte tout simplement l'émancipation d'une ado, enfin d'une lycéenne qui va devenir jeune adulte et qui va partir vers la fac, et comment elle entreprend cette émancipation, en fait. Et ça peut être très C'est bateau, classique. quoi. C'est assez classique. Ouais, voilà, l'histoire est assez classique, et la mise en scène, C'est parfois, un peu universel en il y a plus. un peu classique, mais voilà, il y a une universalité qui a vraiment réussi à retranscrire à l'écran avec humour et une empathie que je trouve assez dingue. C'est vraiment l'un des films les plus empathiques que j'ai vu cette année, avec mon autre film préféré de A24 qui est The Florida Project. Et ça marche du tonnerre. Et c'est vraiment Mais bon, c'est pas un podcast d'appréciation de Lady Bird. Ouais. Alors on va vite passer dessus. Et donc ton deuxième film ou ton autre film préféré? C'est The Florida Project. De Sean De Sean Baker, Baker, oui. qui est pour moi aussi, Sean Baker, ça fait partie de ces cinéastes un peu révolutionnaires qui tentent vraiment de créer des choses avec de créer de nouvelles images. Donc, il a réalisé Tangerine, qui était un des premiers films à être tourné À l'iPhone, intégralement à l'iPhone qui était très bien. et qui était vachement bien. Et là, The Florida Project, c'est vraiment on pourrait le dire, les 400 coups chez White Trash. Ouais, et c'est aussi c'est aussi à LA, un peu Ouais. derrière les paillettes, tout ça. Les C'est pas, c'est les pas derrière Disney World, en ouais, c'est fait, ça, c'est c'est ça, derrière Disney World, c'est. et c'est un peu genre les coulisses de tout ça en Ouais. fait. Enfin, c'est un peu ce Et qu'il y a derrière, ce qu'on voit pas. c'est sublime, Ouais. c'est très émouvant. Il y a Willem Dafoe en plus, donc comment ne pas aimer un film avec Willem Je Dafoe? suis d'accord. Donc foncez, regardez ces deux petites merveilles. Et à toi, du coup, parce que Merci de me t'as pas, non mais demander. t'as pas l'air emballé quand je parlais de Lady Bird et tout, Non, donc. bon. Alors, on va en reparler plus tard, enfin, dans quelques minutes. Mais moi, les films. Alors, il y a plein de films que j'aime beaucoup et qui font partie de mes films préférés, genre Ever. Mais du coup, j'ai un peu rétréci la liste. Produit par A24, il y a Moonlight, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'Oscar de 2017, qui est super joli, super beau visuellement et super beau dans le fond. D'ailleurs, en parlant de Moonlight, c'est la petite aparté. Si vous voulez voir un autre film avec l'un des acteurs de Moonlight, vous pouvez aller voir Equalizer 2. Oh putain. Ou. Je parle d'un beau film qui a gagné l'Oscar en 2017 et toi tu parles d'Equalizer 2 avec Denzel Washington ou je Denzel sais pas qui Washington là. est l'acteur qui joue Chiron Ah bon? Ado. Oh. Et voilà, ça fait tilt. Il fallait qu'on vous parle aussi. Parce qu'on peut aimer les films Ouais, on peut aimer les films Othello, d'auteur les films d'auteur et Denzel et Washington qui Denzel casse la Washington. gueule à des gens pendant des tornades. Par, je Ça a sais l'air pas, Antoine génial. Fuqua. Voilà, c'est la petite Bah, parenthèse, j'irai mais voir. continue à nous parler de Moonlight Donc, et. Moonlight, super beau visuellement, super beau dans le fond, dans le propos qui propose. Après, il y avait Good Time aussi, dont on a aussi parlé avant, par les frères Safdie avec Rob Pattinson, qui est super touchant. Ouais, c'est ça qui marque en fait, c'est vraiment le Ouais, fait parce d'être que, touché. ok, il est bien mis en scène, le jeu d'acteur est très bon, il est super beau visuellement aussi, mais franchement, je crois que j'ai jamais autant pleuré pendant une scène de fin, enfin pendant un Ouais, le générique de générique de fin. fin est terrible. Enfin, la première séquence, la toute première séquence et Et la toute la dernière. dernière qui Et se j'ai. rejoignent, c'est Ouais, j'ai jamais terrassant. autant pleuré pendant un générique de fin depuis Call Me by Your Name, et c'est dire. Elio, Elio, Elio. Arrête. Et un troisième produit par A24, c'est A Ghost Story Ah, ouais. de David David Lowery. Lowery avec Rooney Mara et un drap blanc en personnage secondaire. Et il est aussi ultra touchant. J'ai vraiment, enfin, on parlait d'Under the Silver Lake, je disais que j'avais rien ressenti, mais là j'ai ressenti genre toutes les émotions possibles humaines, je Ouais, bah pense. ouais, c'est un film qui donne faim pour manger des Qui donne tartes. faim de tarte et qui donne faim de vie aussi, franchement. Ouais. Et bah oui, c'est beau ce que je Ouais. dis, tu vois, Non, mais je suis c'est. une poète. Et après, il y a plein d'autres films distribués par A24, donc je vais laisser vite fait, très vite fait. Ex Machina, The Lobster, Under the Skin, The. Non, j'allais dire une bêtise, mais je suis pas sûr si c'est eux qui l'ont produit ou distribué, mais il y a The Bling Ring, il me The semble. Bling Ring, je sais pas, mais c'est dans C'est. leur Ouais. catalogue. Mais enfin, je vous conseille vraiment, si vous aimez le film un peu d'auteur, entre guillemets, parce que c'est pas genre auteur nouvelle vague non plus, mais le film un peu drama et un peu joli, je crois que c'est le mot, c'est vraiment joli visuel. Genre, c'est du drama emballé dans un beau Ouais. papier cadeau, mais en même temps, c'est super touchant, des fois. Et donc, si vous aimez, vous pouvez aller vous renseigner et checker un peu leur filmographie. Et est-ce qu'il y a des films que t'aimes pas, par contre, de leur Ouais. filmographie? Parce qu'on est un peu en mode on vous aime et tout, mais tout ce qu'ils ont fait n'est pas Alors, parfait. moi, justement, on parlait de A24 comme le nouvel Hollywood pour les Millennials. Moi, il y a un autre film qui est aussi dans cette ère du temps. Et parce que, on va le dire, on est dans une époque aussi où on aime beaucoup se moquer. Et se moquer des choses et se moquer. Si vous avez Twitter, Des vous savez. de ces phénomènes et tout. Moi, j'ai un film que j'ai détesté cette année, c'est The Disaster Artist de James Franco qui revient sur le phénomène The Room. Room. Et je C'est pense un grand débat sur. c'est C'est un un sujet. très grand débat, ouais, Je enfin. pense pas. Je pense pas qu'au départ, ça se voulait être un film et un sujet qui fasse autant de débat, mais c'est Mais vraiment ça a très. réveillé ce débat, en fait, cette popularité qu'a malheureusement Tommy Wiseau, je trouve. Parce que c'est une popularité où C'est. On va pas trop rentrer en détail parce qu'on n'a pas trop le temps, c'est pas le sujet, mais. Il y a deux côtés, tu vois, c'est un peu le Je fini trouve à que le l'aigle. film, je trouve que le film surfe sur ça, avec un James Franco enfin, moi je trouve qu'il se fout vraiment de sa gueule et il se fout vraiment de la gueule du spectateur Franco dans le film. Et surtout pour asséner un message à la fin qui te dit, c'est pas grave si ton film est nul et moqué parce qu'au moins il est célèbre. Et moi je trouve ça affreusement triste en fait. Et quand tu vois tous ces gens qui se déplacent, qui sont déplacés au Grand Rex et tout, Oula. juste pour se moquer du film. Je pense pas que tout le monde se moquait du film. C'est un peu. Je sais pas trop quoi en penser, moi, de The Disaster Artist. J'ai apprécié le regarder. C'était divertissant, mais je sais pas quoi penser du propos, enfin du fond. Je sais pas trop quoi penser de The Room et Tommy Wiseau. Enfin, moi, j'ai vu The Room, je l'ai vu avec une amie et je me suis marrée devant parce que c'est drôle. Mais après, je me fous pas de la gueule de Tommy Wiseau, je me dis pas genre c'est un raté et tout, tu vois. Et je pense pas que tout le monde soit aussi méchant. Je pense que il y a des gens qui sont vraiment en mode foutage de gueule, mais je pense pas que tout le monde soit comme ça. Et je pense pas que. Enfin, je suis un peu le cul entre deux chaises avec ça, parce que d'un côté, je suis en mode oui, mais enfin, ça a l'air d'être un gros con parce que t'apprends des trucs sur Tommy Wiseau, t'es en mode oh, c'est un gros con Ouais, et tout, mais t'as aucune regarde, empathie pour lui. Mais d'un autre côté, tu dis il était passionné, il voulait faire ce qu'il faisait et tout. Est-ce que le fait que ce soit un gros con, ça l'empêche de vouloir faire de l'art? Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Mais pour en venir à The Disaster Artist, je pense aussi que du coup, le propos il est confus. Parce que déjà, on sait pas grand chose sur Tommy Wiseau, on sait des trucs sur The Room grâce au livre de Greg Sestero, mais on sait pas tout, parce que lui-même ne savait pas tout. Du coup, je pense que c'est un peu en mode. C'est pas. Je sais pas comment dire, mais c'est pas extrémiste, tu vois. Enfin, je sais Ouais. pas, genre. C'est pas un avis qu'il propose. Je pense que James Franco, franchement, il s'est pas pris la tête, tu vois. Je sais pas, s'il voulait juste faire un truc marrant, puis il l'a fait. Après, tu l'interprètes comme tu veux, et si tu trouves que c'est de la merde, c'est. Bah ouais, ça l'est, c'est... Non, mais je veux dire, si tu trouves qu'il se moque ou quoi, il y a d'autres gens qui peuvent le voir autrement, tu vois. Enfin, je pense pas qu'il était vraiment dans une optique précise. Mais après, c'est mon avis. Je me suis un peu Mais toi, il y a un film que emballée. t'aimes pas... En gros, il y a un film que j'aime pas. Après, Ah. il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, donc ça se trouve. Enfin, il y a beaucoup de films produits par A24 que j'ai pas vus, donc ça se trouve, il y en a plein d'autres que j'aime pas, mais je le sais pas encore. Mais un que j'ai vu et que j'aime pas, et que toi t'as adoré, c'est Les Yvelines. Ah, Du coup, la semaine dernière, on s'est super bien entendu sur The Rock et tout, ça se plante Skyscraper, mais là, on va pas s'entendre du tout. J'ai pas détesté non plus, je me suis ennuyée et c'est un peu genre OSEF. Et c'est un peu. Je trouve que le personnage, comme Andrew Garfield, il est super antipathique et détestable. Et t'attends toujours. Enfin, moi, j'ai attendu toujours le moment où un peu elle va. Un peu rédemption, tu sais. Où elle va grandir dans sa tête et enfin se dire que, bah ouais, j'étais une adoconne et j'ai fait des conneries et j'ai dit des conneries et j'étais détestable. Mais jamais. Mais tu trouves, enfin Non, la mais fin, voilà. la fin La fin, elle... elle dit juste je t'aime à sa mère et c'est tout, quoi. Enfin, Bah, moi aussi, je peux appeler ma mère dire je t'aime, ça règle pas tous les problèmes. mais c'est quand même la séquence vraiment où elle se Non, mais c'est une rencontre. séquence sur un film de 1 heure et demie. C'est Mais tout. alors, elle Y a pas doit... de, y a pas de. Enfin, moi, je trouve. On va se cacher, Elle mec. On va se doit... taper à la Ça sortie. doit pas... Elle doit pas faire non plus un chemin de croix pour être... pour faire une Bah, rédemption. si. Elle a pas fait un truc... C'est pas comme si elle a écrasé... Bah, non, mais elle est odieuse avec tout le monde, avec ses amis, avec ses parents. Et elle est même avec elle-même. Je trouve qu'elle est. Elle est. Après, il y a un truc du genre. Ah, c'est une ado. On est tous cons quand on est des ados. Je comprends un peu. Mais plus ça va, plus moins, enfin plus c'est pire, c'est pas très français comme phrase, mais Hier, j'ai regardé sur Netflix 30 ans sinon sinon rien. rien avec Jennifer Garner. Et je peux t'assurer qu'un truc, c'est que Je l'ai vu aussi. comparé au personnage de Lady, au personnage que joue adulte, comment elle s'appelle? Judy Greer, qui de ado à adulte est toujours aussi est toujours resté la même peste qui veut faire qui va embêter Jennifer Garner. Alors crois-moi, je pense que dans Lady Bird, on voit quand même un peu de changement. Ouais, mais je trouve que ça reste en surface en fait. Et comme pour Under the Silver Lake, j'ai pas ressenti de truc. Je me suis juste ennuyée et en fait je m'en foutais du personnage principal parce qu'elle m'a pas touchée, elle m'a juste emmerdée et j'avais envie de lui foutre des baffes. Rien que la première scène, elle m'a saoulée. Et en plus, tout le long, la mode appelez-moi Lady Bird, mais ferme ta gueule quoi, c'est bon. Enfin, voilà. C'est juste, j'ai pas détesté non plus parce que c'est un bon film. Genre, objectivement, techniquement, il est bien réalisé, bien mis en scène, blablabla. Pareil que pour Under the Silver Lake, c'est juste que j'ai pas aimé, j'ai rien ressenti, j'ai pas été touchée. J'ai pas. Enfin, je m'en foutais quoi en fait. Limite, je faisais un sudoku sur mon téléphone en même temps, tu vois. Donc, du coup, on n'est pas d'accord. Mais on va peut-être être d'accord dans le futur parce que A24, bah, ça s'arrête pas là forcément. Ça continue sur sa lancée, comme en plus c'est dans son apogée. Et c'est quoi l'actualité de A24? Qu'est-ce qu'ils vont produire encore? Qu'est-ce qui sort? Ils vont produire le premier long métrage de Jonah Hill, Mid-90s. Mid-90s avec le gamin qui jouait chez Yorgos Lanthimos dans Mise à mort du cerf sacré. On retrouve aussi Lucas Hedges qui était dans Lady Bird, qui était dans Lady Bird, et que ça a l'air d'être un, comment dire, vous voyez comment Stranger Things te faisait sentir que les années 80 c'était cool. Ouais. Bah là ça va être un peu ça, mais dans les années 90, on va jouer à la PlayStation 1. Ouais, c'est on... nostalgie à gogo quoi. Mais ça a l'air très touchant quand même. J'ai pas vu la bande. Et ça a l'air pas mal du tout. Jonah Hill que vous avez pu voir dans Superbad. Superbad, ouais, qui est super bien. Qui est super bien, merci. Et donc ce film, il sort le 19 octobre aux States. Est-ce qu'on a une date française? Non, est-ce parce qu'on a un que distributeur français, c'est ça, non, parce que c'est ça le souci. C'est vraiment ça le souci avec les productions A24, c'est qu'elles restent souvent très ancrées aux États-Unis et ça ne parle pas forcément distributeurs dans le monde. Et on a le même souci avec First Reformed, qui est le nouveau film de Paul Schrader. Qui sort en direct ou DVD. Qui sort en direct ou DVD mm-hmm. en France, alors que le film a été un succès dans les festivals, a été un succès critique. Mm-hmm. Et ça aurait pu parler aussi à pas mal de spectateurs, je pense. Si après tout, ils ont sorti A Ghost Story, pourquoi pas sortir celui-là? Ouais, c'est et compliqué. Voilà. C'est compliqué pour une distribution. Sinon, après, il y a aussi Eighth Grade de Bo Burnham, qui est déjà sorti aux États-Unis, qui est un énorme succès aux États-Unis et qui va sortir en France, mais on n'a pas de date. C'est sorti 2018. C'est tout ce que j'ai d'accord. trouvé sur Internet. Bon. J'ai pas, je fais des recherches à moitié, j'ai pas vu Je pense que vu la popularité de Bo Burnham grâce à Netflix, je pense très sincèrement qu'on va avoir droit à une sortie Netflix. Ah, peut-être. Ça m'étonnerait que... Après, moi, ça me dérange pas trop. Parce que dans tous les cas, je me démerde pour regarder les films, même si je vais pas au cinéma, tu vois. Donc, ça serait cool de l'avoir en salle, mais bon, tant qu'il sort en France, déjà, ça serait cool. Et un film... Alors, la bande-annonce est sortie hier. C'est un film qui s'appelle Slice, avec Zazie Beetz, qui a joué Domino dans Deadpool 2. Donc, Slice, avec Zazie Beetz, qui a l'air... spécial, on va dire. Ça parle de loup-garou et de pizza. Ça, ouais, voilà, loup-garou, pizza, c'est tout ce que vous avez à retenir. Et on a, bah, du coup, il n'y a pas de date, ni States, ni France, ni on sait rien. C'est juste qu'une des prochaines productions est 24. Voilà. Donc, du coup, je vous conseille, si vous ne connaissez pas trop les films A24, d'aller checker ce qu'ils font, parce que c'est pas toujours dans la même veine, mais il y a un peu ce truc commun de l'auteur fait ce qu'il veut. Enfin, genre, il est libre. Alors, enfin, il fait pas tout ce qu'il veut. Ça va être peut-être une décision qui va peut-être un peu changer, et ce sera peut-être la conclusion de voir s'ils vont s'enfermer comme les majors. Parce que, par exemple, Under the Silver Lake, il faut savoir que le film est sorti en France en août, aux États-Unis. Il est sorti bien avant, non? Non. Il est pas encore sorti, c'est ça? Il sortira en décembre parce que la réception canoise est un peu froide vis-à-vis du film. Donc, du coup, A24 va remonter le film pour les États-Unis. Ah merde. Et ils vont faire une autre version. Ah merde. Ah, ça fait chier, ça. Donc. Après, peut-être qu'ils vont le remonter avec le réalisateur. Enfin, ouais. Genre, c'est lui qui va. Avoir le dernier mot, quand même, je sais pas. Mais ouais, ça fait chier, ça, par contre. Ah, je savais pas. Bah, du coup, ça change un peu tout. Peut-être que j'aimerais mieux la version remontée, après. Ça peut faire deux versions, ça peut faire deux trucs à regarder, assez cool. Donc, Under the Silver Lake, moi j'ai pas aimé, Victor il a aimé, mais on vous conseille quand même d'y aller. Parce que... Enfin, d'aller le voir, c'est parce que c'est vachement intéressant. C'est très long, par contre, c'est très très long. Mais c'est super intéressant. C'est intéressant. À analyser et interpréter, en fait. C'est ça que moi j'aime pas trop. Mais allez le voir quand même. Regardez les films A24 si vous voulez. Et vous pouvez aussi, si vous avez déjà vu Under the Silver Lake, nous dire si vous avez aimé ou pas sur Twitter, @s5p42. Vous pouvez nous dire si vous avez aimé Lady Bird. Ouais. Aussi sur Twitter. Et vous pouvez aussi nous dire si vous avez aimé, putain, Equalizer 2, si vous l'avez vu ou pas. Moi, je l'ai pas vu, mais je vais m'empresser d'aller le voir. Et on se dit... Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire, Victor, avant qu'on se quitte? Non, ça va. Non, ça... Tu as parfaitement résumé la situation. Et ben voilà, on se dit à la prochaine fois. Et... Et c'est tout. Et à la prochaine fois. Turn it, tea.